La sépulture se mérite. C'est une consolation en mourant de laisser son nom en estime parmi les hommes. Et, de tous les biens humains, c'est le seul que la mort ne nous peut ravir. Mais il n'était pas permis en Égypte de louer indifféremment tous les morts. Il fallait avoir cet honneur par un jugement public. Aussitôt qu'un homme était mort, on l'amenait en jugement. L'accusateur public était écouté. S'il prouvait que la conduite du mort eût été mauvaise, on en condamnait la mémoire et il était privé de la sépulture. Le peuple admirait le pouvoir des lois qui s'étendait jusqu'après la mort. Et chacun, touché de l'exemple, craignait de déshonorer sa mémoire et sa famille. Si le mort n'était convaincu d'aucune faute, on l'ensevelissait honorablement, on faisait son panégyrique, mais sans y rien mêler de sa naissance. Toute l'Égypte était noble, et d'ailleurs, on n'y goûtait de louanges que celles qu'on s'attirait par son mérite. Chacun sait combien curieusement les Égyptiens conservaient les corps morts. Leurs momies se voient encore. Ainsi, leur reconnaissance envers leurs parents était immortelle. Les enfants, en voyant les corps de leurs ancêtres, se souvenaient de leurs vertus que le public avait reconnues et s'excitaient à aimer les lois qu'il leur avait laissées. Pour empêcher les emprunts, d'où naissent la fainéantise, les fraudes et la chicane, l'ordonnance du roi Assikis ne permettait d'emprunter qu'à condition d'engager le corps de son père à celui dont on empruntait. C'était une impiété et une infamie tout ensemble de ne pas retirer assez promptement un gage si précieux, et celui qui mourait sans être acquitté de ce devoir était privé de la sépulture.